أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن علامات الساعة وعن الجهل بعلم الدين، وثم تكلمنا عن أهمية الصلاة، أن الإنسان يؤديها كما ينبغي، لأن الصلاة أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. كنا parlé de l'importance de la prière. Il faut la faire, c'est la meilleure des œuvres. Après la foi, on envoie son messager. Yuhsinu al-tahara, kadhalika, l'insan. Rasul marra chef insan, ma yghsalch l'aqib. Qal waynu l'aqabi, nanna. Ma khalouch ma'alich, ta t'adda. Ma yghsalch l'aqib, bimli, yani talon. Bah, nas, yani, t'wadda b'sur'a, mi y'amalch mliyeh. يبل وجهه فقط، هو لابد يمر الماء ويصل الماء إلى الأذن، ولو ما غسلش الأذن، الأذن ليس شرط عند المذاهب الأربعة، ليس شرط يغسلها، أما يصل الماء إلى الأذن. ويغسل مليح رجليه، ويعني اليدين إلى المرفقين. بعض الناس يبدأ لابس هيك يهز، ولكن مرفق مازال ما بانش، عنده الباس غليظ شوية في الشتاء خاصة، فما يوصلش الماء إلى المرفق، لا يصح. يصل الماء إلى المرفق حتى يصح الوضوء. والأذن الأنف سنة، أذن أنف سنة. ما ينساش يعني تحت الرجل يغسلها، العقب مثل ما أكد الرسول عليه الصلاة والسلام، وستر العورة ما بين السرة والركبة، يتأكد الإنسان. استقبال الكعبة كذلك، ويبقى ثابت، مميلش قلنا البارحة، حتى في السلام يدير رأسه فقط، يدير صدره. إذا تحرك شوية يجوز، يعني حصل الرسول فتح الباب لعائشة قلنا، ولكن بقي في جهة الكعبة، يمشي هيك ولا هيك، يدور صدره عن الكعبة. بعض الناس يركع في جهة ويسجد في جهة أخرى، أو بعض الناس في المساجد الإمام في جهة والناس في جهة أخرى، هذا لا يمشي الحال. بعض المساجد إمام في القبلة والناس فين؟ في الحيط، هذا لا يصح. الكعبة ما تقدرش يحولها الإمام، بعض الناس من الإمام في الكعبة في جهة القبلة وبعض الناس في الحيط. دونك كنا parlé l'importance de la prière, c'est la meilleure chose après la foi. Comment faire l'wudu bien quand on lave le visage d'une oreille à l'autre, même si laver l'oreille c'est pas obligé, mais il faut que arrive jusqu'à là, يعني cette limite là d'une oreille à l'autre. S'il ne faut pas de mouiller le visage, il faut mettre de l'eau. Les mains jusqu'au coude. Par exemple, certains, surtout en hiver, ils ont un grand pull, ils lèvent mais pas assez. Le coude, il est caché. Et ils font vite fait comme ça. Non, il faut que laver jusqu'au coude. Les pieds jusqu'aux chevilles. On a vu dans le hadith, le prophète, il a vu quelqu'un, il n'avait pas le talon. Il lui a dit, oui, l'aqab nanna. C'est-à-dire, ça mérite l'enfer. Ce qui la fait le talon. Il a pas dit, c'est un petit truc, ça. Il a vu quelqu'un, il n'avait pas le talon, il a dit, oui, l'aqabi, nanna. Le talon. La plante du pied. Il faut faire ces choses bien. Parce que, au final, il faut dire une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de toi. Il faut faire comme Dieu a ordonné. Allah la yahtaj ilayka ghani an alamin. La bouddha de ta'amel, kama farad Allah. À se mettre à couvrir la zone de pudeur du nombril au genou. Faire attention, il y a des gens, tu vois, vraiment, ils se découvrent. Il prie devant toi, et puis, ah, ça se découvre. Et il ne répète pas la prière après. Le Rasoul قال, اذهب وصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. Le prophète, il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière trois fois. Et il se dirigeait vers la Qibla, on a dit. Il ne faut pas qu'il tourne. Certains, ils s'inclinent dans une direction, ils se protègent dans une autre, et ils bougent dans la prière. Alors il faut rester vers la Qibla. Si quelqu'un il bouge devant, derrière ou latéralement, ça annule pas. C'est arrivé, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a ouvert la porte à Aïcha. Alors qu'il était dans la prière. Wa al-Fatiha. Insan يقول مليح التكبير اولا الله اكبر. Takbir. Donc il dit bien Allahu Akbar pour entrer en rituel. Toutes les autres paroles, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, Allahu Akbar, al-Fatiha et as-salam. Tahiyyat, il y a divergence aussi. Wajib takbir mlih. Al-Fatiha. Wassalam fil akhir. Subhan rabbi al-azim, subhan rabbi al-a'la, min as-sunna. Al-Fatiha muhim. Rasul alayhi sallallahu alayhi sallam. Liman lam yaqra bi fatiha til kitab. Le prophète a dit ce que signifie la prière n'est pas valable pour celui qui n'est pris pas la Fatiha, qui ne résiste pas à la Fatiha. C'est-à-dire correctement. لابد يأخذ وقت يعرف الفاتحة. الفاتحة تحتاج إلى وقت. خاصة الناس الآن مش متعودة على الحروف العربية دارجة. الصاد ضاد. خاصة الحروف حرف كثير الناس ينقصهم حرف الصاد وضاد. لغة الضاد. على السماء لغة الضاد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أفصح من نطق بالضاد. ضا الحرف هذا حافة اللسان يعني مع الأضراس ضا ضو ضي غير الضاء ضاء متاع الظلام غير ضاء في أرض الأرض أو ضرب ظلم ضرب ظلم ضاء حافة اللسان مع الثنايا ضرب اللسان يبقى الداخل ض ضو ضي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ض معناه اللسان يبقى الداخل ويعني يضغط على الأضراس زروس يعني أضراس دونك فاتحة سي اوبليجي. Le prophète nous a montré que c'est la prière n'est pas valable si on ne récite pas correctement. Beaucoup de gens étaient dit ah ouais, mais moi je viens du bled, je connais. En réalité, ils répètent dès les gens du bled, mais ce n'est pas la langue arabe littéraire qu'il a appris de gens qui maîtrisent la langue. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du bled. Il y a des gens, moi j'ai déjà vu, convertis, il a appris ou une seule fois, il s'est converti, le jour même, il a appris. Ou deux jours après, ou en tout cas peu de temps, il a resté la Fatiha plus rapidement que des gens qui venaient du bled. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient du bled, il est habitué à dire faux. Il faut rectifier le faux. Sa langue, quand elle est habituée au faux, ça prend du temps. Alors que celui qui n'est jamais habitué, directement, il apprend le correct. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient du bled qu'il sait réciter correctement. Parce qu'il s'est habitué au faux, corriger ce qui est faux, c'est plus difficile. Celui qui apprend tout dès le début. يعني مش معناه إنسان جاي من البلاد يعرف يقرأ أحسن من إنسان من هنا لا لأنه تلقى في البلاد متعود الدارجة يعني تصوب هذا العوج خاص تاخذ وقت دونك بعضهم لو لتر ض دونك ظلم سي با باغي ضرب ظلم سي لو بو دو لونغ يسور بور توشي لي انسيزيف ض ض alors que ضرب bon, il sort pas, la langue ne sort pas, elle colle les molaires. Bon. Et c'est ça la lettre da dans غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tu dois t'entraîner parce que Dieu a ordonné. Donc il faut s'entraîner. C'est pas on doit s'entraîner pour avoir une chose correcte. En répétant. La voix d'un sémique d'arabe. Ba, bou, di. Ba, bou, di. Hada ibada. Bikul harf, andou hasanat. Yam li wajhillah. Pour chaque lettre, il a des hasanat. C'est fait par recherche de l'agrément de Dieu. Ba, bou, di. Donc, on répète. Ba, elle sort pas la langue. Ba, اللسان يبقى الداخل ض ضو ضي غير المغضوب عليهم ولا الضالين bien sûr ça ça nécessite quelqu'un qui a vaincu son ego parce que ça nécessite quelqu'un qui délaisse les habitudes nafs te dit ah ça y est maintenant tu connais toi c'est maintenant que tu vas t'entraîner nafs il dit ça il a tabba nafs يقول لك تو انت باش تتعلم الفاتحه يقول لك ساي شرفت انت يقول لك هذا امثله نتاع شنو ابليس تلبيس ابليس كما قال عالم كتاب سماه تلبيس ابليس تعلم الانسان يتعلم لانه في القبر ما تدي لا دراهم لا شيء تدي هذا لابد يتعلم وجب هذا واجب فاتحة واجب في الصور الأخرى ليست واجبة. هذا هو obligatoire. les autres sourates c'est pas obligatoire. donc c'est facile. mais il faut bien le faire. la فاتحة il faut bien. il suffit de s'entraîner. tu t'entraînes. Dieu a t'a donné la langue, les bienfaits, tu dois les utiliser. c'est pas passer du temps à parler de politique, le foot, etc. entraîne ta langue à rester correctement. بعض الناس ما يتعبش ساعة ساعتين يقرأ يحكي على السياسة واش كان في البلاد والترك والفوت كذا باش يتعلم فاتحة النفس وتعمل له حاجة صعيبة les gens ils se fatiguent pas parler deux heures de foot de football de politique mais pour prendre du temps à rester à la فاتحة النفس on dirait une montagne c'est pour ça Allah dit dans le Coran وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني pour gagner le paradis, il faut vaincre le mauvais penchant de l'âme. Sinon, c'est facile. La religion. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.